Bon, je vais faire une dernière vidéo pour aujourd'hui parce qu'il faut à un moment donné, bon ben, je vais faire autre chose aussi, j'avais un temps libre, mais là, à un moment donné, il faut, bon, je vais faire autre chose. Mais, je tenais à dire, c'est sûr là, que le son puis l'image, là, c'est pas bon. Puis, j'ai pas besoin de. Vous pouvez me l'écrire, vous pouvez troller puis m'écrire ce que vous voulez, là, si vous voulez. Mais je le sais là, que le son puis la caméra, c'est rudimentaire, fait que c'est de la crise de marge. Je le sais, pas besoin de me l'écrire, mais vous pouvez pareil. Puis vous pouvez me traiter de, je sais pas moi, de coquerelle dans un fauteuil, ça me dérange pas vraiment. Puis abonnez-vous pas, ça me dérange pas. Puis mettez-moi des pouces verts, des pouces noirs, tu vois, quoi vous voulez. C'est sûr que vous pouvez. Peut-être vous me trouvez plate, puis monocorde, puis. Mais au fond, logiquement, si vous me trouvez plate, puis monocorde, puis il y a autre chose, là, c'est sûr que moi, je vais pas me mettre à me faire des tracts de paprika, puis de cannelle, puis de me sacrer le feu dans la tête, puis d'aller sur la rue garrocher des toutous au monde. À un moment donné, non, c'est parce que ce sera pas ma branche, c'est pas dans ma nature de faire des choses comme ça. Des fois, les algorithmes là, me proposent des choses, puis je me dis, ben voyons, voyons des tracts de cannelle, êtes-vous ton, hey, manger des cactus, puis êtes-vous. Bon, je suis pas dans l'automutilation, pas en tout, puis. C'est bien dommage, mais il n'y aura pas d'affaire de même. C'est sûr aussi que si je fais des vidéos, c'est aussi sur un coup de tête, comme je l'ai dit, mais aussi, genre, c'est un exercice pour la forme, parce que faut quand même que, tant qu'à le faire, je veux m'améliorer. Je me souviens, je suis tout le temps en train de dire là, puis oui, c'est sûr que je suis monocorde, puis il faut que je m'habitue à parler plus fort, parce que là, probablement que, là, que votre son est dans le tapis, puis je vous conseille de le mettre le plus haut possible parce que mon micro est vraiment là, c'est très moyen. Puis comme je vous l'ai dit, là, pas la peine de me l'écrire, c'est de la merde, je le sais. Mais vous pouvez le faire pareil. Et puis, non, c'est ça. Et puis, comme je vous dis, c'est un exercice pour la forme parce que je me dis tant qu'à le faire, bon, ben, je vais essayer de m'améliorer. Je me souviens. Ceux là, qui suivent Charles Sabourin, là, le supramentaliste, puis au début, il était toujours voyez-vous, puis aussi, là, Monsieur Carotte, là, Jean Granger, j'en ai marre, là, toujours, comprenez-vous, ben, c'est sûr que c'est des habitudes que, ben, il faut perdre à un moment donné, puis c'est normal d'en avoir au début, je suis tout le temps en train de dire là, puis pourtant, je suis loin du lac Saint-Jean, là, bon, ça fait que. Puis c'était pour dire ça. Et puis, moi, comme je vous le dis, là, si vous aimez pas ça, là, du monde qui font des folies en masse, là, peut-être que vous trouvez comique aussi, puis que je suis pas si plate que ça, là, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire que c'est ça. Le jeune de 20 ans qui parle d'ingénierie sociale, mais j'ai quand même la mi-trentaine, c'est juste que je me suis pas trop magané dans ma vie. J'en ai des amis des fois là, que je rencontre là, 10 ans après, puis eux ils me reconnaissent, moi je les reconnais pas. La personne elle a 33 ans, puis elle en paraît 45-50. Ben ça, en tout cas, puis moi comme je me prends pas non plus au sérieux là, avec ça, il y en a qui prennent ça ben trop à cœur. Il y en a une là, voyons, ma tante cuisine, là, José Rivard, elle prend ça ben trop à cœur, puis je dis pas ça avec mépris, là, c'est vraiment, là, par compassion, je me dis, pauvre madame, elle va se fatiguer le cœur, elle prend ça ben trop à cœur, et puis à un moment donné, être trop émotif, c'est pas bon non plus, peut-être que je suis avantagé de ce point de vue-là un peu, là, mais c'est un apprentissage aussi, puis, ben, en tout cas, moi, je vous le dis, là, je prends pas ça au sérieux, là, ce que je fais là en ce moment, là, pas plus qu'il faut. Mais c'est sûr que par curiosité, ça se peut, là, que je regarde de temps en temps s'il y a des commentaires pour voir les réactions, par curiosité. Mais à part ça, là, moi, une des choses qui a fait que j'ai décidé sur un coup de tête que j'allais aller sur YouTube, c'est quand j'ai vu les vlogueurs, c'était scandalisé. On ne pourra plus faire de l'argent comme on veut, puis parce que les règles ont changé, à cause maintenant, c'est différent pour certains sujets là, qui étaient. Mais là, moi, C'est pas pour une affaire d'argent, là, puis c'est pas pour une affaire de notoriété, là. Comme je vous dis, abonnez-vous pas, là, mais moi, témoin, qu'est-ce que c'est pas ça, là, mon intérêt là-dedans. Même, quelque part, c'est un peu un saut dans l'inconnu pour moi, puis en plus, j'ai même pas d'autres motivations que. Ben, au fond, il y a certains sujets, moi, je trouve, qui sont pas abordés. Puis il faudrait, c'est pas abordé dans les médias, c'est pas. Des fois, j'essaie de. Je cherche à me parfaire par rapport à de l'information. Je cherche l'information complémentaire sur certains sujets. Je vais sur Google, je vais un peu partout, je vais sur Wikipédia, puis il n'en parle pas. Des fois, j'ai plus de ressources dans ma bibliothèque que sur Internet. C'est quand même. Moi, je trouve ça un peu décevant. Je me dis, il faut bien que certaines choses que quelqu'un en parle. Mais c'est un peu comme la vidéo que j'ai faite sur le triangle de Cartman. Ça me surprend, moi, ça, que ça soit pas abordé, là, le quadrilatère, le dramatique, puis ces choses-là. À un moment donné, il faut bien que quelqu'un en parle. Et puis, de toute façon, je pense que ceux qui sont au courant de ces choses-là, pour des raisons de fidélité à des collectifs, ils n'en parleront pas, puis peut-être aussi de certaines craintes. Mais moi, là, comme. Même là, si vous me menacez de mort, ça m'inquiétera pas plus qu'il faut, là. Hein? Fait que vous pouvez vous lâcher l'os là-dessus, là. J'ai déjà été menacé de mort dans le passé, puis ça m'a pas inquiété plus qu'il faut. Il y en a qui vont me reconnaître. J'ai été sur Facebook peut-être 2 ans, il y a quelques années. Et puis j'ai fini par sortir de l'eau de Facebook. Facebook, c'est un réseau de flicage, ça, c'est pour fliquer le monde un peu. Les gens se profilent eux-mêmes. Puis après ça, ben, ça fait, je veux dire, Facebook, là, c'est très utile, ce qu'on pourrait appeler les états profonds. Mais moi, personnellement, j'ai rien à me reprocher, mais j'étais tellement. Je trouvais ça tellement futile. Ce qu'il y avait sur Facebook, dans mon fil d'actualité, il y avait une chose intéressante des fois sur 1000. Ça fait qu'à un moment donné, je me suis dit, je perds mon temps. Mais là, comme je vous le dis, si j'ai sur un coup de tête, j'ai décidé là, de faire des vidéos sur YouTube, comme je vous dis, c'est sûr là, que c'est du matériel rudimentaire, puis. D'un côté, s'il y a un certain intérêt qui est suscité, ça se peut que j'investisse pour avoir une meilleure caméra, puis un micro mieux que ça, là, parce que. Mais à part ça, là, moi, c'est pas. Moi, c'est plus un hobby. C'est quelque chose que je fais à temps perdu, puis tant que là, je veux du temps, mais tant que ça nuit pas à d'autres projets, puis à d'autres choses que j'ai à faire, moi, ça va être correct. Mais il faudrait pour que je m'investisse là-dedans, là. Puis même là, moi, ce que je parle, je sais que c'est pas populaire. C'est pas populaire. Il y en a un, même les autres vlogueurs que je suis, c'est pas populaire ce dont ils parlent. Mais coudonc, à un moment donné, ben, selon les intérêts, puis tout, on va vers ce qui nous intéresse. Et puis, c'est pour ça que ceux là, qui me trouvent plate, qui me trouvent monocorde, là, qui trouvent que j'ai pas rapport, que je dis n'importe quoi, ben, gars. Vas-en regarder d'autres choses, là. Je veux dire, tu sais, du monde qui se pète la gueule sous des tables de pique-nique, puis qui crisse le feu dans des sheds, puis des affaires de même, il n'y en a rien qu'en masse, là. Fait que, gars, prive-toi pas, hey, viens pas te torturer avec moi. D'un autre côté, je me doute, je dis, il y en a peut-être qui vont me trouver comique. Bon, parce que c'est aussi l'affaire que. Je me doute là, que c'est peut-être autre chose, là. Tu sais, un peu. Je deviens, comment je pourrais dire ça, un vlogueur de répertoire. Ben, je me trouve comique. Il n'y a pas de mal à rire de soi. Ben, comme je vous dis, moi, je me prends pas trop au sérieux. Mais même l'autre, les carottes, le Granger, là, des fois, il se prend bien trop au sérieux, là, lui, là, puis il sent les baguettes en l'air, puis il est choqué, puis. Là, à un moment donné, là, c'est un peu comme Madame Rivard, là, économisez-vous le cœur un peu. Mais malgré, il a l'air en forme, lui. En tout cas, puis Madame Rivard, ben moi je la trouve drôle. Ben c'est du monde que j'écoute pour me divertir. J'adhère pas nécessairement là, à une ligne. C'est comme moi, là, il n'y a rien de doctrinal ou de dogmatique. Il n'y a pas de quoi. Hey, je m'en viens pas, moi, là. je m'en viens pas pour créer un regroupement de Bertholdt II, là, au contraire, puis je me souviens, mon ex, elle disait, dit Bertholdt, c'est tellement laid comme nom, elle te comprenait pas. À un moment donné, je m'écris un livre de notes, un codex, puis je donne un nom au livre, puis elle regarde ça, puis elle dit, c'est donc bien laid comme nom, puis elle trouvait ça épouvantable, puis Bertholdt, la même affaire, puis c'est bon, ben, coudonc, mais moi, j'aimais la consonance, j'aimais. La forme. Moi, c'est plus par comment je pourrais dire ça. Et ceux qui sont intéressés, ceux qui s'intéressent au suprémantalisme au Québec, est quelque chose qui, de nos jours, qui est pas mal restreint au Québec, là, même si des gens comme Sri Aurobindo puis Rudolf Steiner l'ont prédit quelque part, c'est surtout aujourd'hui quelque chose là, qui se manifeste au Québec. Moi, c'est par affinité fréquentielle que je vais m'intéresser à une forme. Puis même là, je pourrais pas expliquer pourquoi c'est possiblement lié à quelque chose qui est au-delà de la forme. Mais là, même là, je veux pas tomber là, dans les vapeurs puis dans les affaires éthérées, là, parce qu'il y en a qui vont dire ouais, il faut rester dans le concret quand même. Puis, mais d'un autre côté, moi, je me fie quand même là, que j'ai l'impression que un public s'illustre lui-même. Et puis, il y a une quelque chose d'un discernement aussi là, à avoir. Là. Si vous prenez ce que je dis au pied de la lettre, là, ben, je vais perdre une certaine estime là, s'il y a du monde là, qui, tout d'un coup, là, comme André Moreau à Montréal, que il s'en va dire, il dit, si réellement vous voulez être enseigné par moi, venez vous coucher d'en avant de ma porte, puis il y en a qui le faisaient. Mais là, Moreau, c'est une autre affaire, loin d'être sur sa ligne. D'ailleurs, j'ai discuté deux fois avec M. Moreau, puis il m'en dure pas longtemps. Mais pourtant, moi, je pourrais le sticoter pendant des heures. Mais ça, c'est peut-être. Bon, en tout cas, moi, je vous ferai pas perdre. Ben, vous faire perdre votre temps. C'est mon temps, au fond, si vous m'écoutez, c'est parce que vous avez du temps de libre. C'est parce que vous avez du temps de libre. Si vous m'écoutez, c'est moi là, qui. Vous voyez que l'euphémisme, je m'en vais dire, je vous ferai pas perdre votre temps, puis c'est le mien.